sonne ding ding dong. Na yon vie nishpay, nan vil Bethlehem, ti Jésus te fête, pou sauve le monde. Le grand jour c'est Noël, le monde ap chante, poisson ap coule, sou tête yon grand roi. Nan yon vie nishpay, nan vil Bethlehem, ti Jésus te fête, pou sauve le monde. Bonjour c'est Noël, le monde a chanté, poisson a coulé, sous ta dion grand roi. Chanter, poisson à couler, sous